conte de fées en français. Le génie dans la bouteille. Il était une fois, aux abords d'une immense forêt dense, vivaient un bûcheron et son fils. Ils étaient pauvres, mais très heureux. Ta soupe de pois et ton pain sont si délicieux, papa. Les meilleurs du monde. Allez, fiston, c'est l'heure d'aller au lit. Demain, on va avoir nos résultats. Franck pense que je vais être premier de la classe. Tu sais, Franck dit que... Dors maintenant, Sam. Il est tard. Franck était le meilleur ami de Sam et ils s'adoraient. Aujourd'hui, Franck semblait plus heureux que d'habitude. Hé, Sam, allez! Oncle John va être tellement content d'apprendre que t'es le premier de notre classe. Oui, je sais. Papa va être vraiment content. Mais alors, qu'est-ce que tu fais, là? Regarde cette pierre. Ce n'est pas tous les jours qu'on trouve une pierre qui est aussi parfaitement ronde. Regarde donc. Le premier à la cabane a gagné. Ce n'est pas juste. Oh, allez, qu'est-ce que t'es lent. Oncle John, devine ce qui s'est passé aujourd'hui. Qu'y a-t-il, Franck? Calme-toi. Assieds-toi un moment, d'accord? Oncle John, on a eu nos résultats aujourd'hui et Sam est sorti premier de toute notre classe. C'est vrai? Oh, mon fils, je suis si fier de toi. Merci, papa. Oncle John, écoutez bien, on dit même que Sam pourrait sauter une classe l'année prochaine. Tu vois, tonton? Sam pourra devenir médecin un jour, sûrement très bientôt. Papa, qu'est-ce qui ne va pas? Vous devez avoir bien faim tous les deux. J'ai mis de côté un peu de pain pour vous. C'est là-bas, sur la table. Oncle John, qu'est-ce qu'il y a? Parle-nous, papa, s'il te plaît. Je suis désolé, mon fils, mais je ne pourrai plus payer l'école. Papa! J'arrive à peine à mettre de l'argent de côté pour la nourriture et les vêtements. T'envoyer à l'école, c'est impossible. Je peux peut-être demander à mon père, peut-être? Merci, Franck. Mais non. Vous savez quoi? Et si je t'aidais en coupant du bois? De cette façon, si on s'y met ensemble, on pourra couper plus de bois et donc gagner plus d'argent. Et je pourrai ainsi retourner à l'école. Tu couperais du bois? Pourquoi pas? Papa le fait, lui. Mais... J'essaie juste d'utiliser au mieux le fait que je suis bon quand il faut apprendre quelque chose rapidement. De la même manière que j'apprends à l'école, je vais apprendre à couper du bois et aider papa pour qu'il puisse me renvoyer à l'école. Non, Franck. Couper du bois est trop difficile. En plus, je n'ai qu'une seule hache. On a deux haches à la maison. Je demanderai à mon père de t'en prêter une. Et Sam, je t'expliquerai tout ce qu'on apprend à l'école pour que tu sois pas à la traîne quand tu reviennes. Est-ce que ça te va? Oui, merci Franck. Tu es mon meilleur ami. On va faire de notre mieux. J'apporte la hache. Le lendemain, Sam partit dans la forêt avec son père pour aller couper du bois. Ils travaillèrent dur jusqu'à midi. Fiston, commence toujours par chercher en premier les arbres morts qui sont tombés. Autant que possible, il est préférable de ne pas couper les arbres en bonne santé. Oui, papa. À l'école, on a appris que les arbres aussi sont vivants, alors on ne doit pas leur faire de mal. Ah, mon fils, tu voudrais devenir médecin. Et pourtant, tu dois travailler ici avec moi. Je suis tellement désolé. Papa, tu dis toujours qu'on doit tirer le meilleur parti de la vie. On va traverser cette épreuve ensemble. Puis, je deviendrai médecin et j'aiderai les gens. Quand je serai grand, tu n'auras plus jamais besoin de travailler. Oh! Et si je ne travaille pas, qu'est-ce que je vais faire toute la journée? Ah, je t'adore, mon fils. Allez, reposons-nous un peu et mangeons notre déjeuner. Allez, viens t'asseoir. Viens déjeuner. Regarde, papa. Quel bel oiseau! Ton déjeuner! Sam! Reviens! Je n'en ai pas pour longtemps, papa! Fais attention! Ah, les enfants! Oh. Sam suivit le bel oiseau au cœur de la forêt. Oh, où suis-je? Je me suis trop éloigné. Il faut que je fasse demi-tour. Papa doit m'attendre. Oh, aide-moi! Aide-moi! Où es-tu? Ici, vers le buisson. J'arrive. Ici, ici, ici. Oui. Laisse-moi sortir, laisse-moi sortir. S'il te plaît, fais-moi sortir. Aide-moi. Mon pauvre, bien sûr que je vais t'aider. Tu es qui? Tu es quoi? Je suis un esprit qui a été enfermé dans cette bouteille il y a 500 ans. Aujourd'hui, tu m'as libéré. Tu as mérité ta récompense. Une récompense? Oui, ta récompense. On m'a dit que je devais tuer la personne qui me libère. Pourquoi? Est-ce donc comme ça qu'on retourne une faveur? Eh bien, si tu es si intelligent, échappe-toi. Sinon, prépare-toi à mourir. Je ne savais pas que la mort serait la récompense pour t'avoir offert la liberté. Ce n'est pas juste. Pas de chance. Comment savoir si tu étais vraiment dans cette bouteille? Ne viens-tu pas de m'en libérer? Comment savoir si tu n'es pas un esprit plus grand qui aurait apparu dans cette fumée et en aurait profité pour manger le plus petit esprit dans la bouteille? Quoi? Oui, je ne vous crois pas, vous les êtres magiques. Alors, que dois-je faire? Voyons un peu. Retourne dans la bouteille et je saurai alors que tu es le même esprit. Ah oui, trop facile. Quoi? Non! Tu l'as bien mérité, tu es si méchant. Ne pars pas, ne pars pas. Laisse-moi sortir, je promets que je ne te ferai pas de mal. Comment te faire confiance? C'était seulement un test pour voir si tu valais la peine pour la vraie récompense. Si j'avais vraiment été si méchant, je t'aurais tué sans même t'écouter, ni me faire tout petit. Réfléchis un peu. Eh bien, c'est vrai. Je ne te ferai pas de mal. Laisse-moi sortir. D'accord. Ah, enfin libre. Merci. Profite de ta liberté. Attends. Ne veux-tu pas recevoir ta récompense? Oh, non, merci. C'était seulement un test. Vas-y, prends ça. Prends-le. Qu'est-ce que c'est? Si tu frottes le côté argenté de ce tissu sur n'importe quel métal, il se transformera en argent. Et si tu frottes le côté rouge sur une blessure, la blessure guérira. Prends-le. Utilise-le avec sagesse, mon ami. Où est passé le petit? Je dois aller à sa recherche. Papa, regarde ce qu'on m'a donné. Sam! Mon fils, j'étais si inquiet. Tous nos soucis sont terminés. Rentrons à la maison et je te raconte tout. À la maison? Mais nous sommes venus ici pour travailler. Vas-y, toi, si tu es fatigué. Papa, je ne sais pas comment rentrer. Viens avec moi. J'ai tellement de choses à vous raconter à toi et Franck, s'il te plaît. Est-ce que tout va bien? Viens avec moi et je te dirai tout. Ah, d'accord. Doucement, Sam. J'arrive. Et ce soir-là, Sam raconta toute l'histoire à son père et à Franck. Est-ce qu'on l'essaye? Vous perdez votre temps. Je vais prendre un couteau. Ça marche! Ça marche! Oh! Nous n'aurons plus jamais de problème. Qu'est-ce qu'on pourrait encore frotter? Cette assiette, ce mug, cette bouilloire? Combien penses-tu qu'on pourrait en tirer? Allons voir ça. Les deux amis se rendirent chez un bijoutier pour aller vendre leurs produits en argent. Eh bien, je dois dire que c'est du très très bel argent. Voilà pour toi. Oui! Entrez! Le dîner est prêt. Sam, j'ai fait ta soupe de pois préférée. Papa, on n'a plus besoin de manger de la soupe et du pain. Regarde toutes les choses merveilleuses que l'argent peut t'acheter. Je ne savais pas que l'argent pouvait t'acheter tant de bonnes choses. Oncle John, la soupe est vraiment bonne. Merci, Franck. Mais je m'inquiète pour Sam. Ne t'en fais pas, il est juste excité. J'espère que ça retombera bientôt. Mais depuis ce jour, Sam devint de plus en plus grossier, fier et hautain. Voyons voir ce que je peux transformer en argent aujourd'hui. Hé Sam, je t'ai apporté mes livres, étudions ensemble. Maintenant que tu vas pouvoir revenir à l'école, il vaudrait mieux que tu saches où on en est. Sam, allez, puisque tu reviens à l'école. À l'école? Pourquoi? Qu'est-ce que tu veux dire, pourquoi? Tu voulais devenir médecin pour aider les gens, pas vrai? Eh bien, c'était seulement pour gagner de l'argent. Maintenant que j'ai mon tissu magique, je peux avoir tout l'argent que je veux. Alors, à quoi bon étudier? Eh bien, pour aider les gens. Ça, je peux le faire avec mon argent et avec le côté rouge du tissu qui guérit par la magie. Je transforme ça en argent? Sam, viens! Tout le monde attend! Tu viens jouer? Non, je n'ai pas envie de jouer. Franck, tu veux m'aider à compter les pièces? Ça va être marrant. Sam, depuis que tu as ce tissu, tu as bien changé. Depuis que j'ai ce tissu, tu es devenu bien jaloux. Quoi? Va-t'en et laisse-moi compter en paix. Tu es un bon garçon, Franck. Papa, pourquoi insistes-tu pour retourner travailler? On a plus qu'assez d'argent maintenant. Et si je ne vais pas travailler? Qu'est-ce que je vais faire de mes journées? Reste avec moi, je m'ennuie. Comment ça se fait? Où sont tes amis? Tu vas réaliser, fiston, que le travail apporte ses propres récompenses. Franck! Hé, Franck! Regarde ce que j'ai trouvé. Tu veux jouer? Toi, tu ne vas pas à l'école, mais moi, oui. Maintenant, Franck manquait à Sam. Aucune somme d'argent ne pouvait combler sa solitude. Sam ne pouvait pas acheter la joie ou la rigolade. Au revoir, Franck. Au revoir. Hé, Franck, tu veux jouer? J'ai des devoirs. On les fait ensemble? Pourquoi? Tu n'as pas des pièces à compter aujourd'hui? Sam avait appris la leçon. Il savait maintenant que l'argent ne faisait pas tout. Il y avait tellement plus que ça dans la vie. Fiston? Papa, je veux retourner à l'école. Ne t'inquiète pas, papa. Je prends juste ce dont j'ai besoin pour payer l'école. S'il te plaît, garde ça, papa. Tu avais raison. Le travail apporte ses propres récompenses. J'ai compris maintenant. Mon fils, je suis fier de toi. Franck! Hé, Franck! Je suis désolé, Franck. Je suis vraiment désolé. J'étais devenu méchant et grossier et même inutile. Oui, tu étais devenu méchant et grossier et inutile. Mais c'est tellement plus drôle de jouer avec toi, d'étudier avec toi, de courir après les oiseaux et de manger ensemble avec papa que de compter les pièces après avoir transformé les objets. Tu me pardonnes? Seulement si tu arrives à l'école avant moi. Ce n'est pas juste. Allez, qu'est-ce que t'es lent. Et Franck et Sam redevinrent amis comme avant.